La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, est-il possible d'expliquer la physique quantique sans équation ? La physique quantique, qui est presque centenaire, permet de décrire le comportement des particules élémentaires et celui de la matière aux plus petites échelles de distance. Son formalisme est constitué d'équations aux implications étranges. Si étranges que nul n'est bien certain de connaître la bonne façon de la comprendre, de l'interpréter, ni celle de bien l'enseigner. C'est pourquoi nous continuons d'associer la physique quantique au mystère, à l'indicible, voire à la magie ou à l'absurde. Mais n'y a-t-il pas moyen de se faire une image, au moins mentale, de ce qui se passe dans le monde quantique ? À mon avis, la bonne réponse à cette question est elle-même quantique. Elle doit s'écrire « oui plus non », c'est-à-dire comme la superposition de deux possibilités, en l'occurrence contradictoires. Mais mes jugements étant eux-mêmes quantiques, je ne suis pas tout à fait certain d'être dans le vrai. Alors pour réduire mon paquet d'ondes, autrement dit pour en avoir le cœur net, j'ai invité Julien Bobroff, qui lui saura nous dire. Bonjour Julien Bobroff. Bonjour Étienne. Vous êtes avec nous en direct, par téléphone. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous présente d'abord comme physicien, puis comme professeur à l'Université Paris-Sud, et que j'ajoute que vous êtes une sorte de forcené de la pédagogie? Est-ce que je me trompe? Oui, ça me va tout à fait comme présentation. Sauf que maintenant, on est l'Université Paris-Saclay depuis peu de temps. Pardon. Ce que je voulais dire, c'est qu'à vous lire, on devine que vous avez envie qu'on vous comprenne. Vous aimez les explications simples, les analogies, les illustrations concrètes. Et vous étiez d'ailleurs déjà venu dans notre émission il y a quelques années. Et vous nous aviez expliqué que la physique quantique ne se réduit pas à une liste de formules mathématiques qui planeraient au-dessus de nos têtes dans l'empyrée des idées pures. Vous aviez expliqué qu'elle était aussi une affaire d'expérience de laboratoire, c'est-à-dire de câbles, de boulons, de bobines, de bouts de scotch, de fer à souder, de papier alu, de pompes à vide, d'appareillages de toutes sortes, bref, de bricolage et même de bidouille. Mais là, vous allez encore plus loin avec un nouveau livre qui s'intitule « La quantique autrement, garantie sans équation ». Donc, si j'en crois le titre que vous avez choisi, il est possible de parler de physique quantique sans équation. Et vous allez tenter de nous en convaincre dans l'heure qui vient. Vous êtes d'accord ? Avec plaisir. Alors, vous connaissez, je sais que vous êtes un fan de sport, non ? Peut-être que ça c'est moins vrai. Il y a un très grand entraîneur de baseball qui s'appelle Yogi Berra, qui est mort il y a quelques années, qui a été champion, qui a entraîné des équipes, et qui est connu pour avoir publié toutes sortes d'aphorismes qu'on appelle des bérismes. Et il y en a un qui me semble être la devise des particules quantiques, et vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il disait ceci: quand ta route te mène à un embranchement, prends-le. Est-ce que ça semble résumer les règles de vie des particules quantiques? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ce que je me pose toujours comme question sur ces aphorismes, ou ces images, ou ces analogies, c'est finalement... Alors qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Jusqu'où on peut les pousser? Et est-ce que on n'est pas les seuls armés pour bien les comprendre? Quand je dis on, c'est nous les physiciens. C'est-à-dire, est-ce que ça n'est pas justement quand on a un peu compris ces équations, ce formalisme et cette physique quantique, qu'on en comprend toutes les subtilités et justement les métaphores possibles? Et donc c'est vrai que moi, je me méfie toujours de ces aphorismes en me disant, mais qu'est-ce qu'ils vont dire au grand public? C'est-à-dire ceux qui ne savent pas ce qu'est cette dualité, ceux qui ne savent pas ce qu'est ce comportement quantique à petite échelle, qu'est-ce qu'ils vont comprendre vraiment fondamentalement si on joue avec ces images ou ces analogies? Et donc c'est vrai par exemple, si une particule quantique a deux trajectoires possibles qui se présentent à elle, si elle est classique, eh ben elle devra en choisir une. Si elle est quantique, elle peut prendre les deux. C'est comme ça qu'on la comprend. Là, ça me va presque. Alors, on rentre dans toute cette subtilité du langage quantique, qui est que, en réalité, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, elle ne va pas choisir effectivement cette particule quantique, et c'est seulement quand on va la mesurer qu'on va se rendre compte de ce qui s'est passé rétrospectivement. Et que tant qu'on ne la mesure pas, on est dans une sorte d'état aveugle où on va pouvoir faire jouer ce formalisme quantique, mais sans avoir accès directement à ce que fait la particule elle-même. Alors, vous expliquez dans votre livre, Julien Bobroff, que, en fait, il est possible non pas de voir l'invisible, ce serait une contradiction dans les termes, mais de le détecter. Et vous donnez l'exemple assez ancien d'ailleurs de la détection de la lumière infrarouge. Infrarouge, c'est une lumière qu'on ne peut pas voir, mais on a pu la détecter. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ? Ah oui, alors ça n'est pas du tout de la physique quantique, mais c'est une très belle histoire de physique, qui je trouve introduit bien cette idée-là. C'est ce que vous dites très bien, c'est cette idée que le physicien, lui, va essayer de voir l'invisible. Par définition, évidemment, c'est voué à l'échec, mais il va trouver des astuces de physique, justement, pour essayer de contourner la difficulté. Un très bon exemple, c'est justement William Herschel, hein. On est au début du 19e siècle, et William Herschel est un astronome qui s'intéresse aux propriétés du Soleil, et en particulier, il s'intéresse à la lumière émise par le Soleil. Et donc, il va se poser une question très simple qui est que la lumière a une température ? On peut se dire que la lumière, c'est chaud, mais lui, il va être un petit peu plus fin que ça. Il va se dire, est-ce que les différentes couleurs du spectre de la lumière ont différentes températures ? Est-ce que le bleu est plus froid ou plus chaud que le rouge ? Et donc, il va faire une expérience assez simple, en réalité. Il va se mettre dans une pièce chez lui, récupérer la lumière à travers un prisme. Le prisme va décomposer cette lumière dans les différentes couleurs qui la composent. Et il va juste balader un thermomètre le long des couleurs, le long de l'arc-en-ciel, et regarder si le thermomètre chauffe plus quand on est sur le bleu que sur le rouge. Et puis, vu que c'est un bon physicien, il va calibrer son expérience, c'est-à-dire qu'il va prendre un thermomètre qu'il va mettre dans le noir à droite et à gauche de l'expérience pour être sûr qu'il a la température de base, celle de la pièce, quand il n'y a pas de lumière. Et là, il va découvrir quelque chose de stupéfiant. Non seulement il va découvrir qu'effectivement, les couleurs ont des températures différentes, parce qu'en réalité, elles comportent des énergies différentes, on le comprendra mieux après avec la physique quantique, mais en plus, le thermomètre qui est complètement d'un côté, du côté du rouge, au-delà du rouge, dans la zone noire de la pièce, fait quelque chose d'incroyable, il chauffe trop, il chauffe plus encore que le thermomètre quand il est sous le rouge. Alors, autrement dit, il y a une zone de la pièce. Cette zone n'est pas éclairée, enfin. Cette zone n'est pas éclairée par la lumière, pense Herschel. Et donc Herschel refait des expériences, recalibre, mesure, et va vite être convaincu qu'en réalité cette zone est éclairée. Elle est éclairée par une lumière invisible, invisible par nos yeux à nous, nos yeux d'humains. En fait, Herschel vient de découvrir pour la première fois l'infrarouge, une lumière au-delà du rouge, en deçà du rouge, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu et qui pourtant chauffe et porte plus de chaleur encore que le rouge. Vous donnez un exemple du même genre, même s'il est un peu différent, puisque l'exemple que vous avez choisi correspond à une prédiction théorique qui a été vérifiée par la suite. C'est la détection des ondes de radio, des ondes hertziennes, comme on les appelle, grâce auxquelles on peut parler dans la radio d'ailleurs. Comment ça s'est passé historiquement, cette découverte par un physicien allemand qui s'appelle Hertz? Hertz, oui, on retrouve les mêmes ingrédients que chez Herschel, c'est-à-dire un physicien qui se pose de bonnes questions, qui ne présuppose pas de la réponse et qui va inventer les bons outils pour mesurer. Chez Herschel, c'est le prisme et le thermomètre. Chez Hertz, ça va être l'antenne. Il va construire une sorte de cerceau avec juste des petites pointes métalliques à peine séparées et il va se promener dans une pièce dans laquelle il a produit des ondes radio. Et il va essayer de voir si les prédictions de Maxwell à l'époque, des prédictions que ces ondes existeraient dans la pièce et se promèneraient même si elles sont invisibles, est-ce qu'elles sont là ? Et donc il se promène avec son cerceau, alors je crois qu'il a fait ça dans un amphithéâtre de son université pendant les vacances, et sur plusieurs dizaines de mètres, il va se promener avec le cerceau et voir qu'effectivement, à certains endroits de la pièce, le cerceau fait des petits arcs électriques. Il va progressivement dessiner les endroits où il voit ces arcs électriques et deviner en fait la présence d'ondes électromagnétiques. Il vient de découvrir les premières ondes hertziennes qui porteront son nom ensuite. Alors venons-en, si vous voulez bien, Julien Bobrov, à la physique quantique elle-même. Vous la présentez, comme d'ailleurs dans beaucoup de manuels, c'est pas du tout pour dire qu'il n'y a qu'une façon de la présenter, mais vous présentez d'abord l'expérience des formes de Young, très célèbre, faite avec des photons, des grains de lumière ou bien avec des électrons. En quoi est-ce qu'elle est une sorte de condensé de toutes les implications et de tous les problèmes que va poser la physique quantique ? Oui. Tous les physiciens, je pense, qui se sont intéressés à la physique quantique, et Feynman, pas mieux, un des plus célèbres, disait que pour lui, c'était vraiment l'expérience clé qui permettait de comprendre tous les paradoxes, tous les mystères de la physique quantique, en quelque sorte, en une expérience condensée. D'ailleurs, elle a été élue comme l'expérience de physique la plus importante du XXe siècle. Oui, alors c'était après un sondage auprès de quelques dizaines de physiciens, mais quand même, je pense que si on demandait à notre communauté, elle ressortirait, disons, on va dire, dans le top 10 des expériences les plus fondamentales et les plus incroyables. L'idée de l'expérience elle-même, on la doit au 19e siècle, en fait. C'est cette idée de comment distinguer une onde d'une particule. Et la façon simple de faire, c'est de mettre face au trajet de l'objet qu'on veut identifier deux petits trous, deux petites fentes. Et quand on dit des fentes, c'est réellement des fentes. C'est-à-dire on prend une lame de rasoir et on fait un trou dans une feuille de papier. C'est ce qu'on va appeler une fente. Et donc si on envoie par exemple des particules à travers deux fentes, ben ça passe ou ça ne passe pas. Et derrière, sur l'écran qui est au-delà des deux fentes, on va voir des impacts arriver un peu n'importe où. Si on prend de la lumière et qu'on fait la même expérience, alors là il se passe quelque chose de tout à fait curieux. C'est qu'au lieu de voir l'ombre portée des deux fentes, comme on pourrait s'y attendre, en fait, on voit apparaître clairement des zones sombres et des zones lumineuses qui s'alternent de façon très périodique. On parle d'interférence. La raison à ça, c'est qu'en fait, la lumière se comporte comme une onde, comme une sorte de vague. On peut l'imaginer comme une vague dans l'eau. Et que cette vague va passer par les deux fentes et qu'à la sortie des deux fentes, les deux petites vagues réémises par les fentes se superposent et font des hauts et des bas de vagues. Donc, beaucoup de lumière, peu de lumière, beaucoup de lumière, peu de lumière. Et donc ça, c'était un outil clé pour les physiciens pour distinguer si un objet se comportait comme une onde ou comme une particule. On envoyait cet objet sur les deux fentes et on regardait derrière. Et ce que la physique quantique va mettre à jour de façon absolument incroyable, c'est que quand on prend des particules à petite échelle, par exemple un électron, un atome, un photon, une petite molécule, et qu'on les envoie sur exactement le même dispositif, eh bien elles se comportent comme des ondes, avec ce jeu d'interférence, cette espèce de vague qui est émise depuis chacune des fentes et qui se superpose, qu'à la fin, à l'arrivée sur l'écran, on voit bien une particule, comme on l'avait envoyée, mais que si on répète la même expérience 1 million de fois, ces différents impacts de particules vont progressivement dessiner les interférences typiques des ondes quantiques. Et donc cette expérience, finalement, permet de montrer qu'une particule dans le champ quantique se comporte pendant toute la première partie de l'expérience comme une onde, puis dans la deuxième partie, au moment où elle arrive sur l'écran, se réduit soudainement en une particule. Mais il y a une sorte de contradiction, parce que l'onde, elle est délocalisée dans l'espace, elle est pas à un endroit particulier, elle couvre plusieurs zones de l'espace, alors que le corpuscule, lui, a un impact qui est ponctuel. Oui, c'est bien pour ça que Feynman et que tous les autres disent qu'elle condense toute l'étrangeté du monde quantique. C'est cette idée que pendant les deux temps de l'expérience, l'onde ne se comporte pas de la même façon. Pendant toute la première partie de l'expérience, la particule est vraiment une vague étendue, comme vous le dites, dans l'espace. Et dans la deuxième partie de l'expérience, seulement au moment où elle arrive sur l'écran, il faudra préciser ce que ça veut dire « arrive sur l'écran », au moment où elle est mesurée en réalité, soudain cette onde va se recondenser très brutalement, on parle de réduction du paquet d'ondes, se recondenser en un point. Et cette expérience, elle est faite expérimentalement dès les années 1920 en réalité, par Davison et Germer par exemple, très très belle expérience faite dans des solides, et elle va être faite tout au long du XXe siècle et même du XXIe siècle. C'est quelque chose que j'aime bien, moi, c'est voir l'actualité de la quantique aussi, c'est que cette quantique ne s'est pas arrêtée dans les années 1920, qu'elle est en fait très contemporaine, et il y a encore des expériences qui ressortent régulièrement. Il y en a une toute récente, moi, que j'adore, c'est une expérience faite dans l'équipe de Marcus Arndt, en Autriche, où ils se sont amusés à refaire l'expérience canonique de von Jung, envoyer une petite particule sur deux fentes, mais ils ont essayé de faire ça avec une grosse particule. La question qui se posait, c'est, mais quand est-ce que ça s'arrête? Est-ce que si j'envoie, je sais pas, un ballon de foot sur deux fentes, est-ce qu'il va interférer? Alors à l'évidence non, c'est bien de notre expérience du quotidien qu'un objet à notre échelle ne va pas présenter ses étrangetés. Et eux se demandaient où était la frontière. Et donc ils ont essayé de prendre la molécule la plus grosse possible. Ils ont réussi à faire cette expérience d'interférence et à voir de remarquables interférences avec une molécule qui fait près de 2000 atomes, qui fait 20 000 fois la taille d'un atome d'hydrogène. Et donc on peut dire que c'est le record du monde de la particule la plus grosse quantique qui interfère dans ce dispositif. D'ailleurs, le fait de citer des expériences récentes, pardon, c'est un peu votre marque pédagogique, Julien Bobroff. Oui. Vous ne passez pas par l'histoire. Vous prenez des exemples contemporains et vous montrez en quoi ils aident à comprendre la physique quantique aujourd'hui. Oui, je crois qu'il y a plein de façons de faire comprendre la physique quantique. Il y a la façon justement de passer par l'histoire pour faire sentir comment les physiciens ont découvert les concepts et se les sont appropriés. Et c'est ce que vous faites vous-même très bien et que moi j'ai essayé de faire dans mon précédent bouquin. Là, dans ce livre-là, j'ai choisi l'approche complètement différente qui est de dire on va aller directement sur le phénomène. On va l'affronter de face, on va essayer de le comprendre, de l'illustrer, de l'imaginer mentalement. Et puis ensuite, on va l'ancrer dans le monde contemporain avec à chaque fois un ou deux exemples d'expériences faites dans les 5-10 dernières années et qui s'attaquent à nouveau à ce concept. Mais parfois, vous prenez des exemples étonnants, Julien Bobroff, par exemple, dans votre livre, je parle du dernier cette fois, vous nous expliquez comment les éléphants mâles font pour détecter la présence de femelles. Et il faudrait que vous m'expliquiez le rapport que ça peut avoir avec la physique quantique. Il est très lointain. Alors, il n'y a rien de quantique dans la saison des amours des éléphants. Je vais vous rassurer là-dessus. Ça me permettait d'introduire cette idée de quantification. Alors, je m'explique. Reparlons des éléphants un instant. Ce que j'ai cru comprendre, en fait, n'étant pas du tout spécialiste du domaine, c'est que pendant la saison des amours, les femelles se signalent aux mâles à des kilomètres de distance en tapant sur le sol. Donc, elles tapent brutalement sur le sol, comme ça. Et les vibrations se transmettent, des vibrations mécaniques, acoustiques, et elles vont revenir à l'éléphant mâle, non pas par ses oreilles, mais à travers ses pieds. Donc dans le sol vibrant fait vibrer les os de l'éléphant et remonte à son cerveau finalement pour lui signifier que quelqu'un est en train de taper du pied et de l'appeler du point de vue amoureux dans le coin. Alors quel est le lien avec la quantique? En fait, c'est cette idée, à mon avis, clé de la vibration. L'idée de la vibration ou de la note de musique, les musiciens connaissent bien ça. Et en physique quantique, on a une idée un tout petit peu semblable, alors pas exactement comme chez les éléphants, mais le fait qu'une particule quantique, on l'a dit, elle se comporte comme une onde, et en fait, qui dit onde peut aussi faire penser à de la musique et à des notes. Une onde acoustique, par exemple, ça peut être une note de musique. Et bien, une particule quantique, si on la piège dans une boîte, un petit peu comme dans le pied de l'éléphant, on va dire, elle va émettre certaines notes. Et ce qu'il y a d'absolument remarquable, c'est qu'elle n'émet pas toutes les notes, un peu comme, je sais pas, une guitare ou une clarinette. Elle ne va émettre que certaines notes parfaitement définies, correspondant à sa forme d'onde qui n'a le droit qu'à certaines formes. Pour une onde, on peut dire qu'il y a une note ou une énergie. ce qu'on appelle la quantification, et ça va être vraiment au cœur de très très nombreux phénomènes en physique quantique. Cette idée un peu troublante également, hein, presque aussi troublante qu'Evan Jung, de la discontinuité. L'idée qu'une particule quantique n'a droit qu'à certaines notes, qu'à certaines énergies, et va sauter très brutalement d'une note à l'autre en étant incapable de faire quelque chose entre les deux. Alors l'outil mathématique qui permet de comprendre au moins mathématiquement ce qui se passe dans l'expérience des formes de Jung qu'on vient de résumer, c'est la notion de fonction d'onde. Est-ce qu'il y a un moyen simple de la définir avant de poser la question de savoir si elle existe vraiment physiquement? Alors, en imaginant qu'elle existe au moins dans le temps de cette interview, là, on retrouve cette question que vous posiez en introduction, qui est, je crois, la bonne question, qui est, est-ce qu'on peut faire ça sans outils mathématiques? Est-ce qu'à un moment donné, on va pas être limité dans notre compréhension de la quantique si on ne fait que manipuler des formes? Alors, je ne le crois pas. Je pense qu'on peut tenter, en tous les cas, une introduction à la fonction d'onde en la représentant, en la dessinant même. Et après tout, c'est ce que les physiciens font quand ils se l'enseignent les uns aux autres. Ils se la dessinent et puis ils se la représentent avec des outils mathématiques. Donc, cette fonction d'onde, c'est, on va dire, la carte d'identité de la particule quantique. C'est la façon dont elle se propage, dont elle se répand dans l'espace. Hein, cette espèce de nuage d'onde dont on a parlé, la fonction d'onde décrit vraiment formellement la forme de cet objet-là. Alors, c'est pas exactement un nuage, c'est pas exactement une onde. Et là, on a toutes les limites de la vulgarisation. Et si on veut aller au-delà, il faut s'attaquer au formalisme mathématique et comprendre vraiment la nature mathématique de cet objet. Mais si on n'essaye pas de faire ça et juste de la visualiser, de se l'imaginer, moi, je me l'imagine comme une espèce de nuage un peu étendu, un peu flottant, comme ça, presque irréel. On va revenir à cette question de la réalité. Et donc, ma particule quantique, c'est cette fonction d'onde. Et puis, je vous ai dit que quand elle arrivait sur l'écran tout à l'heure, qu'elle se réduisait soudain en un point, eh bien, c'est exactement ce qui arrive à cette fonction d'onde. Cette fonction d'onde, si on cherche à la mesurer, va très soudainement choisir une de ses valeurs. Hein, vous voyez, c'est cette espèce de nuage qui soudain se recondense en une goutte d'eau à un endroit précis. Et cet endroit, elle va le tirer au sort avec des dés. Alors, ça peut être avec certaines règles. C'est pas nécessairement tous les endroits qui auront la même probabilité d'arriver. Mais cette fonction d'onde, finalement, va essayer de choisir où elle se réduit selon ce qu'on lui fait subir. C'est ça qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. Exactement. C'est quand l'onde devient finalement quelque chose de localisé, une sorte de point qui est visible sur l'écran disposé derrière les deux fentes. Et se pose tout de suite cette question, mais alors, est-ce qu'on peut la dessiner? Quelle tête elle aurait si on la dessinait? Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire, notamment dans le bouquin La Quantique Autrement, où j'ai demandé à plein d'amis illustrateurs, designers graphiques, créateurs, de m'aider à dessiner ces objets-là. Alors, eux-mêmes n'en ont pas une compréhension mathématique, donc on a travaillé ensemble. J'ai essayé de leur retraduire ce qu'il y avait moi dans mon cerveau de ce que j'imaginais pour la fonction d'onde, pour qu'eux-mêmes, avec leur talent graphique, trouvent des manières de la représenter. Et bien sûr, toutes ces manières vont être un peu fausses, parce que on n'arrive pas à capter vraiment toute la quintessence de la représentation mathématique de cette fonction d'onde. Mais je pense qu'elles permettent d'en avoir une première idée. Et je crois qu'il faut toujours, nous physiciens, quand on dit aux gens « mais vous pouvez pas comprendre si vous n'avez pas les équations ou le formalisme », il faut toujours qu'on se souvienne, nous, la première fois qu'on a dû apprendre la physique quantique. Je me souviens, c'est une trentaine d'années, je dirais, quand j'étais en amphi à la fac, j'avais un formidable professeur qui s'appelait Roland Omnes, à l'époque, qui était un des grands spécialistes de la physique quantique. Et je me souviens très bien, pendant ses cours, être émerveillé par ce qu'il racontait. Et essayer moi-même de me faire une image mentale, essayer d'imaginer ce nuage, de le voir se réduire. Et j'ai vu progressivement pourquoi ces images étaient en partie fausses, en partie vraies. Mais je crois que c'est important d'essayer, pour le grand public, de leur faire déjà ressentir ces images et ces premières intuitions qu'on peut avoir nous-mêmes à nos premiers cours de physique quantique. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la physique quantique, elle est d'une certaine façon iconoclaste? C'est-à-dire que dès qu'on présente un dessin issu de ce qu'on croit avoir compris, il y a toujours un argument quantique qui vient après pour dire que le dessin est faux? Alors, presque entièrement d'accord, pour dire qu'il n'est pas parfaitement exact. C'est-à-dire que, effectivement, si on veut être rigoureux, à un moment donné, il va falloir en revenir à la représentation mathématique, probablement, à la formule, à l'équation, mais on peut quand même essayer de la dessiner en partie. Et à nouveau, c'est vraiment ce qu'on fait nous-mêmes dans nos articles de recherche, où on va trouver des représentations de Wigner, de probabilité de présence, ou des tas de façons de représenter graphiquement ce qu'on envisage de la physique quantique. Donc je pense qu'il ne faut pas abandonner cette idée d'essayer de la dessiner, et qu'il faut pas renoncer à ces essais-là, même si on sait qu'ils vont être entachés d'erreurs, parce que si on renonce à ça et qu'on dit c'est seulement si on comprend les nombres complexes, si on comprend les matrices de Hilbert, si on comprend le formalisme quantique, qu'on va comprendre la quantique, à ce moment-là, on renonce un peu à notre travail de vulgarisateur, c'est-à-dire qu'on renonce à l'idée d'initier le grand public à ces notions quantiques. Et je pense qu'il ne faut pas renoncer, je pense qu'il faut essayer de leur faire ressentir ce qui se joue à l'échelle quantique, même si à la fin on ne forme pas des physiciens, on ne leur enseigne pas, on leur vulgarise, et que évidemment quand je vais faire un cours de physique quantique avec mes propres étudiants, eh bien là je serai obligé d'aller au-delà, et c'est ce qui je crois va distinguer à la fin le physicien de l'amateur éclairé. Mais est-ce qu'il est possible par exemple, Julien Bobrov, de dessiner un atome Dans votre livre, vous essayez plusieurs représentations qui d'ailleurs sont historiquement datées, mais il n'y en a aucune à la fin qui correspond à ce que la physique quantique nous dit vraiment. Alors on essaye, on a joué à cet exercice avec une illustratrice qui s'appelle Eve Barlier, on s'est amusé à faire les 10 commandements de comment dessiner le mieux possible un atome quantique. Et le premier jeu, évidemment, au début, c'est de déconstruire tout ce qu'on imagine. L'atome, ça n'est pas ces petites orbites qu'on imagine et qui sont pourtant le symbole de la physique. Si vous tapez « physique » sur un moteur de recherche, c'est tout de suite ce qui ressort, alors que c'est profondément faux. Et en fait, si on veut représenter ce qui se passe dans un atome, allons-y, essayons de le décrire à la radio. Dans un atome, on a des électrons. Et chacun de ces électrons, on l'a dit, est une fonction d'onde, c'est-à-dire une espèce de nuage qui occupe tout un territoire à la fois. Ça ne veut pas juste dire qu'il va très vite et qu'on n'en voit que la moyenne, ça veut vraiment dire qu'il occupe toute une zone de l'espace. Et bien cette zone-là, elle a des formes très précises, mathématiques. On sait que l'électron le plus simple de l'atome d'hydrogène, c'est une sorte de sphère. On sait que l'électron, par exemple, qu'on va rajouter quand on va construire un atome d'oxygène, ça va plutôt être deux lobes, on va appeler ça une orbitale P. Et on connaît ces formes-là. Le drame, évidemment, quand on veut les représenter, c'est que dans un atome, quand on met plusieurs électrons, ils se mettent pas les uns à côté des autres, ils forment pas des couches d'oignons. Ils se mettent les uns dans les autres. Ils s'interpénètrent véritablement. Et donc on a juste un problème technique, purement graphique, qui est de représenter plein de nuages les uns sur les autres. Donc nous, c'est ce qu'on a fait dans le livre, on a vraiment essayé de faire ça, et à la fin, on n'y voit rien. Mais au moins, on sent mieux, je pense, la réalité de ce qu'est un atome par rapport aux très fausses idées qu'on peut s'en faire en imaginant juste que c'est des petites particules qui tournent autour d'un noyau. Mais en fait, c'est quand vous représentez les électrons par leur fonction d'onde. Les fonctions d'onde se superposent, exactement, elles se mélangent dans l'espace. Mais quand vous tentez de détecter la position d'un tel électron, vous le trouvez localisé en un point. Exactement. Mais tant que je laisse l'atome tranquille, dans la matière par exemple, il va se comporter véritablement comme ça. Est-ce que la physique quantique, elle est vraiment réservée à l'échelle de l'infiniment petit? Est-ce qu'il y a des phénomènes macroscopiques auxquels on a accès, qui témoignent, sans qu'on en ait forcément conscience, d'un comportement quantique? Alors oui, bien sûr. En fait, l'essentiel de ce qui se déroule autour de nous est d'origine quantique. Alors, faut être un petit peu précis dans ce qu'on appelle quantique ici, pour ne pas donner de fausses idées aux gens, notamment aux pseudo-sciences qui s'emparent un peu trop vite, je trouve, de la physique quantique pour lui faire dire n'importe quoi. Ce que je vais qualifier de quantique dans le monde qui m'entoure, c'est quelque chose que je ne pourrais pas comprendre si la physique quantique n'existait pas. Et donc là, je vais vous donner un exemple très simple, la solidité de la matière. Alors là, vous ne me voyez pas, mais quand je fais ça, que j'essaye de taper sur la table, ma main ne passe pas à travers la table. Et pourtant, ma main est faite d'atomes qui sont essentiellement vides. Si je regardais vraiment ce qu'est un électron dans un atome, il est pour l'essentiel inexistant en termes de position spatiale. Il est tout petit. Et donc, un atome est à 99,99% du vide. Et donc, ma main devrait passer à travers la table. Et ce qui fait que ma main ne passe pas à travers la table, c'est un principe de physique quantique qui s'appelle le principe d'exclusion, le principe de Pauli, qui dit que deux électrons, quand ils ont la même forme, la même fonction d'onde, ne peuvent pas, pour le coup, s'interpénétrer, ne peuvent pas passer l'un à travers l'autre. Ils s'excluent l'un l'autre. Un petit peu comme, je sais pas, deux jumeaux habillés à l'identique qui essaieraient d'aller à une soirée, ils peuvent pas rentrer à la même soirée ensemble. Et c'est ce principe purement quantique, purement théorique, purement fondamental, qui va finalement faire que la matière solide peut exister autour de nous. Et puis je parle de matière solide, mais vous prenez la lumière, vous prenez les aimants, par exemple le magnétisme, vous prenez la conduction électrique, la conduction thermique. Tous ces phénomènes qui font notre quotidien ne peuvent s'expliquer qu'avec la physique quantique. Un truc aussi bête qu'un métal n'a été véritablement compris par les physiciens que dans les années 1930-1940. Avant, on ne comprenait rien à ce qui se jouait vraiment dans un métal. Et donc la physique quantique, évidemment, gouverne les règles du monde à petite échelle, à l'échelle de l'atome et de l'électron. Mais vu que nous sommes composés d'atomes et que la matière autour de nous est composée d'atomes, quand on veut comprendre par exemple la couleur d'un objet ou sa solidité, on doit faire appel à la physique quantique. Ça ne veut pas dire pour autant qu'un objet lui-même peut être dans deux endroits à la fois ou que mon cerveau peut communiquer avec le reste de l'univers instantanément. Là, vous venez de parler d'un principe très important, en effet, qui est le principe d'exclusion de Pauli. Pauli, c'était un des pères fondateurs de la physique quantique, a joué un rôle très important dans les années 20. Il y a un autre principe dont vous parlez, le principe d'incertitude de Heisenberg, ou d'indétermination, il a deux appellations différentes. Mais il me semble qu'il est souvent mal compris. On trouve des livres, par exemple, de philosophie terminale, dans lesquels on parle de ce principe et on dit qu'il limite notre pouvoir de connaître. On dit que le principe de Heisenberg, qu'Heisenberg, physicien allemand, a énoncé en 1927, nous dit qu'on ne peut pas connaître simultanément, avec la même précision, avec une très grande précision, la position et la vitesse d'une particule. Et quand on entend cette phrase, on comprend que la particule en question a ses deux propriétés, elle a une vitesse bien définie, une position bien définie, mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître avec une bonne précision. Or, ce principe nous dit plutôt que les particules quantiques ne sont pas des corpuscules, c'est-à-dire n'ont pas une vitesse et une position bien déterminées. Il me semble que là, il y a une sorte de contresens qui fait que ce principe, dans la culture contemporaine, dit le contraire de ce qu'il énonce vraiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oh oui, bien d'accord. Je crois même qu'Heisenberg lui-même regrettait un peu cette idée d'incertitude. Indétermination, ça marche mieux, ou faudrait lui donner d'autres noms. Nous, on sait ce qui se cache derrière mathématiquement. Alors, si on veut le dire de façon un petit peu plus simple, là aussi, ils ont trouvé une façon de le décrire la plus fine possible pour quelqu'un qui n'aurait pas le formalisme mathématique. En fait, on a dit qu'une particule quantique était une onde, donc on peut l'imaginer comme des petites vagues, les unes à côté des autres. Et ce qu'on peut montrer, en gros, c'est que la vitesse de cette particule, nous on va parler de moment, mais disons la vitesse de cette particule, elle est reliée à la distance entre deux vagues successives. Voilà, on va le dire comme ça. Et que donc, une particule qui est très tassée dans l'espace, avec seulement une vague, par exemple, on va bien savoir où elle est, mais vu qu'on n'a pas plusieurs vagues, on n'est pas capable de trouver la distance entre ces vagues, et donc on connaît mal sa vitesse. Et réciproquement, si on a plein de petites vagues les unes à côté des autres, on connaît très bien la vitesse, vu qu'on peut mesurer ces vagues, mais on ne sait plus bien où est la particule, parce que par définition, elle est caractérisée par plusieurs vagues les unes à côté des autres. Alors ça, c'est une façon un petit peu laborieuse de décrire ce qui se passe en réalité. Et là, peut-être justement, c'est un très bel exemple, le principe d'incertitude d'Heisenberg, où quand on a le formalisme, on comprend mieux. C'est-à-dire que quand on a le formalisme, on sait ce que sont des variables complémentaires, on sait ce qu'est un vecteur propre, on sait ce que sont deux opérateurs qui ne commutent pas, alors des mots qui vont faire très savant pour les gens qui ne connaissent pas ça. Et là, je dois dire à titre personnel que le jour où j'ai compris ce qu'étaient des opérateurs, ce que voulait dire la commutation ou la non-commutation, je pense que j'ai une compréhension plus profonde de ce qu'est le principe d'incertitude. Alors, si on veut pas en passer par là et qu'on veut juste retenir finalement ce qu'il faut retenir de ça, et est-ce que c'est vraiment incertain le monde de la physique quantique? Alors certainement pas. Ce que dit le principe d'incertitude, et vous l'avez très bien dit vous-même, c'est le fait qu'il ne faut pas considérer une particule quantique comme une particule classique. Et donc, on doit se poser des questions un petit peu différemment et que ça n'a pas beaucoup de sens de se demander à la fois quelle est sa position et sa vitesse, parce que justement, c'est deux variables complémentaires. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on est complètement incertain et qu'on ne sait rien faire avec la physique quantique? Alors non, il faut quand même rappeler à ceux qui ne le savent pas que la physique quantique est, je pense, à l'heure actuelle, la science la plus déterministe, la plus précise qui existe, c'est-à-dire qu'elle est capable de déterminer certains facteurs théoriques avec 10 chiffres après la virgule, et que quand on va en laboratoire, on mesure véritablement ces 10 chiffres. Donc, une physique incroyablement prédictive, d'une puissance absolument incroyable, ça veut juste dire qu'il faut pas essayer de faire dire à la quantique ce qu'elle n'est pas capable de dire. Si on demande à la physique quantique de dire à la fois la position et la vitesse d'une particule, elle en sera incapable. Si par contre on essaye de lui faire prévoir, par exemple, certains facteurs, certains calculs ou les comportements des électrons ou leurs énergies dans un solide, par exemple, on pourra le faire avec une précision diabolique. Mais elle en est incapable parce que la particule en question n'a pas ses propriétés. Exactement. Donc c'est pas une limitation du pouvoir de connaître, c'est le fait que les objets quantiques ne sont pas classiques. Exactement, c'est le fait qu'on veut absolument se ramener dans le monde classique et qu'on s'imagine avec un radar de police à vouloir prendre en photo à la fois la position de la voiture et sa vitesse, qu'on échoue parce que on n'a pas des voitures, on a des objets quantiques, et c'est seulement si on comprend vraiment leur nature quantique qu'on comprend qu'effectivement la question n'a pas de sens dès le début, qu'en fait il faut poser la question un petit peu différemment. Et ce que je trouve remarquable chez les physiciens, c'est qu'une fois qu'on constate et qu'on accepte cette limitation entre guillemets intrinsèque de la physique quantique, les physiciens vont la retourner pour en faire une force. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser le principe d'incertitude et cette limitation pour être capables finalement de comprendre des choses, et des choses absolument incroyables. Par exemple, le principe d'incertitude permet de comprendre que rien n'est jamais parfaitement immobile, même au zéro absolu, même à la température qui par définition est celle où normalement plus rien ne bouge, tout se gèle. Ben, grâce au principe d'incertitude, en fait, en physique quantique, il continue à y avoir des petites fluctuations, et ça permet d'expliquer des choses très concrètes. Par exemple, le fait que l'hélium, qui est un gaz assez rare, quand il devient liquide à très basse température, ne devient jamais solide, même au zéro absolu ou très près du zéro absolu, tant qu'on n'applique pas de pression dessus, disons, tant qu'on laisse à la pression atmosphérique. C'est parce que dans ce liquide, ces petites fluctuations quantiques suffisent à le déstabiliser et à le maintenir liquide, et d'ailleurs, il a des propriétés absolument étonnantes. Ça permet de comprendre aussi pourquoi le vide n'est pas vide, par exemple, ou la taille des atomes. Ça permet aussi de comprendre ce qui va se passer à la mort du Soleil. Oui, le Soleil, alors on peut se demander à notre astre préféré, qu'est-ce qu'il va devenir à la fin de sa vie? Et en fait, dans 5 milliards d'années. Dans 5 milliards d'années, c'est ça. Le Soleil s'effondre sur lui-même, dans 5 milliards d'années, va s'effondrer sur lui-même. On appelle ça un effondrement gravitationnel. La gravité va tout tirer vers le milieu, on va dire vers le centre du Soleil. Et donc tout va s'écraser. Mais là, coup de chance, le principe d'incertitude va sauver en quelque sorte le Soleil d'une mort certaine, parce que les électrons, qui vont être détachés des atomes pendant cet effondrement, vont s'écraser les uns sur les autres, mais au bout d'un moment, ils sont trop près les uns des autres. Et donc, des électrons tout près, au milieu, du Soleil, se retrouvent comme confinés, piégés. Et donc, ça veut dire qu'on sait où ils sont. Et donc, vu qu'on sait où ils sont, ils vont soudain avoir des vitesses extrêmement fluctuantes et élevées et être très excités à cause de ce principe d'incertitude. Le fait d'essayer de les piéger fait que ça va les obliger, au contraire, eux, à s'expulser et à repartir dans tous les sens grâce au principe d'incertitude. Donc, ils vont arriver à s'échapper. Et ça fait que le soleil va pas complètement s'effondrer et qu'il va s'arrêter en fait à taille intermédiaire et créer une espèce de boule un peu dense, un peu chaude, qui a la taille de la Terre, je crois, à peu près, et qu'on appelle une naine blanche. Alors bon, rassurons-nous, ça sera dans 5 milliards d'années, parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus beaucoup d'énergie depuis le Soleil. Julien Mambron, vous avez parlé tout à l'heure de musique, donc vous ne serez pas contre le fait que nous écoutions un morceau, d'ailleurs vous l'avez choisi vous-même, c'est un morceau de piano, je crois, de Chilly Gonzalez qui s'intitule « White Keys ». France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Julien Bobroff, vous aviez choisi ce morceau de Chilly Gonzalez, White Keys. C'était par hasard, pour honorer la physique quantique, ou il y a une raison profonde? Non, il y a une raison, en fait, j'aime beaucoup ce morceau. Il y a quelques années, j'avais collaboré avec Charlotte Arène, une cinéaste d'animation, pour faire un petit film pour expliquer aux gens ce qu'est un article en science, comment on publie un article en science. Un très joli petit film qui s'appelle « Le chercheur et son article ». Et on avait demandé à Gonzalez si on pouvait utiliser sa musique. Je pensais même pas qu'il allait nous répondre. Et il nous a très gentiment répondu que oui, aucun problème. Tant que c'était gratuitement et gracieusement, il nous laissait l'utiliser. Donc voilà, on était très contents de pouvoir l'utiliser. Et ça me permet de lui rendre hommage maintenant. Mais quel rapport entre cette musique et la publication d'un article ? Il n'y en a aucune. Si peut-être le côté un petit peu systématique, un petit peu laborieux et répétitif, et qu'il faut s'obstiner des mois et des mois avant d'arriver à publier un article. Corriger. Ouais. Alors, revenons à la physique quantique, Julien Mambroff. Qu'est-ce qui se passe exactement quand on fait une mesure sur une particule? Par exemple, quand on fait une mesure d'énergie ou de position, ou de vitesse? Je crois que d'abord, il faut dire qu'on n'a pas complètement compris ce qui se passe pendant la mesure. Je pense que c'est encore un des grands mystères qui reste en physique quantique. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y a celui-ci, en tous les cas, qui reste du côté des fondements. Ce qu'on observe en tous les cas, je l'ai déjà dit, c'est que la particule choisit entre plusieurs situations possibles, par exemple plusieurs positions, plusieurs énergies, et va tirer au dé, en quelque sorte, tirer au sort ce qu'elle va choisir comme position. Et là, on peut se dire, mais à quel moment ça arrive? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'on mesure à un moment plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive sur l'écran? Est-ce que c'est le moment où l'écran reçoit la particule? Est-ce que c'est le moment où moi, je regarde ce qui s'est joué comme mesure? Est-ce que la conscience joue un rôle? Alors là, je crois qu'on peut dire maintenant que la situation est relativement claire du point de vue de la physique, qu'on a assez bien compris ce qui se jouait et pourquoi la mesure a lieu. C'est à cause d'un phénomène qu'on appelle la décohérence. Qu'est-ce qui se passe quand une mesure a lieu? En réalité, à un moment donné, quand on fait une mesure, on doit utiliser un gros appareil. Quand je dis gros, ça veut dire qu'on doit utiliser un outil de mesure qui ramène une information depuis ce monde de l'infiniment petit, le monde quantique, jusqu'à un autre monde à nous, un autre monde de laboratoire, où on est à l'échelle, je sais pas, du centimètre ou du mètre. Et donc, entre les deux, à un moment donné, il y a un outil de mesure. Ça peut être un capteur, ça peut être quelque chose qui détecte de la fluorescence, ça peut être un oscilloscope, ça peut être un écran. Mais il faut, à un moment donné, un gros objet. Et quand on dit un gros objet, ça veut dire un objet constitué lui-même de plein de particules. Des particules quantiques, certes, mais des particules. Par exemple, plein d'atomes pour un détecteur. Et donc, au moment où la particule isolée, purement quantique, ondulatoire, l'électron, par exemple, de tout à l'heure, arrive au contact de cet instrument de mesure, il se passe une décohérence et soudain, il va choisir aléatoirement une position plutôt qu'une autre. Et cette décohérence, elle a lieu en réalité parce qu'on oblige cette particule à interagir avec tous les atomes de l'instrument. Et ça, ça va la perturber. Elle va essayer de se superposer avec tous les atomes de l'instrument, de s'intriquer avec tous les atomes de cet instrument. Et à un moment donné, ça va créer quelque chose de parfaitement irréversible et qui fait qu'elle va choisir un destin plutôt qu'un autre. Si je reprends votre analogie tout à l'heure, elle va choisir un chemin de la route plutôt qu'un autre. Et ça, ça aura lieu au moment où elle rencontre plein de particules. Donc c'est ce qui se passe par exemple quand la fonction d'onde de l'électron dans l'expérience des deux fentes que vous avez décrite tout à l'heure rencontre l'écran. Exactement. Si par exemple on a un écran fluorescent, l'électron va déclencher un phénomène de cascade qui va créer par exemple de la lumière et une fluorescence. Et dans cette chaîne, à un moment donné de mesure, l'électron doit interagir avec plein d'atomes par exemple. Et ça, ça va l'obliger à choisir un de ses destins. C'est vrai que en l'occurrence, la position de l'électron n'était pas déterminée avant qu'elle soit mesurée. Donc non. Ça veut dire que la mesure modifie l'état de la particule. Exactement. Et ça, ça va être, on va dire, une différence fondamentale avec ce qu'on connaissait avant dans le champ de la physique. C'est que soudain, le fait de mesurer va affecter le destin de la particule. Et ça va poser des questions d'interprétation. Est-ce que la physique décrit la réalité? Est-ce qu'elle décrit simplement notre interaction avec la réalité? Comment les équations se relient aux expériences? Selon quelles règles les utiliser? Et vous dites dans votre livre que c'est pas ces questions d'interprétation qui vous intéressent le plus. Elles ont, par exemple, opposé des grands physiciens comme Einstein à Bohr. Et c'est pas simplement de la philosophie, parce que, comme vous le savez, le débat entre Einstein et Bohr a permis de mieux comprendre ce que la physique quantique implique, notamment les phénomènes d'intrication entre particules qui sont pourtant distantes dans l'espace, et vous expliquer à quel point ça change la donne, notamment dans le domaine de la technologie. Oui, oui, tout à fait. Non, non. Loin de moi l'idée de dire que ces questions d'interprétation ne sont pas importantes, elles sont même fondamentales. Ce que je dis juste, c'est que parfois on se focalise trop dessus. L'interprétation, pour le redire clairement, c'est l'idée que la mécanique quantique elle-même, disons les outils, le formalisme, nous permettent de nous dire à quoi s'attendre quand on effectue une expérience. Mais elle ne dit pas pourquoi ça s'est passé ainsi, et puis elle ne dit pas ce qui s'était passé juste avant. Et là, les interprétations vont par exemple dire que la fonction d'onde était réelle, ou au contraire que c'était un outil mathématique, ou en fait qu'il y avait des ondes multiples, ou des ondes pilotes, etc., etc. Je pense que ce que je veux dire par là, c'est que, alors c'est pas que je me méfie de ces interprétations, mais je trouve que parfois on les met trop en exergue parce qu'elles fascinent le grand public. Parce que l'idée des mondes multiples est évidemment fascinante, parce que l'idée des ondes pilantes et les ondes pilotes est absolument séduisante, et que donc on va peut-être surjouer ces interprétations et leur importance, et peut-être faire croire au grand public que l'enjeu essentiel de la physique quantique contemporaine, c'est le choix entre ces interprétations. Je pense que c'est un problème important, mais c'est un problème qui concerne finalement pas tant de physiciens que ça, et que les grands problèmes de physique quantique ne se jouent pas que du côté de questions presque philosophiques, mais se jouent aussi du côté de questions très pratiques. Pourquoi un supraconducteur supraconduit à haute température? On n'a pas la réponse à ça, il n'y a pas de question d'interprétation ici. Il y a plein de questions très fondamentales en physique quantique qui se posent et qui ne sont pas que dans ce champ à cheval, on va dire, avec le champ de la philosophie. Donc, mon idée, c'est juste de dire qu'il y a aussi plein d'autres questions très importantes et que, à titre personnel, je ne me focalise pas sur ces interprétations juste pour dire aux gens, c'est pas nécessairement la seule question qui reste en physique quantique. Je comprends, Julien. Bon, vous avez parlé de supraconduction, on y reviendra peut-être dans quelques minutes, mais avant, je voudrais qu'on continue parce que la physique quantique est souvent associée au chat de Schrödinger, dont vous parlez assez longuement dans votre livre, en précisant d'ailleurs qu'il existe des sortes de chats de Schrödinger microscopiques naturels, comme par exemple la molécule de benzène. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Cette molécule de benzène, elle est incroyable. C'est une des molécules les plus simples qu'on puisse imaginer. 6 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène, ça forme un petit hexagone. Vous imaginez vraiment une petite dalle comme ça, hexagonale, avec un carbone à chaque coin. Mais en réalité, la molécule de benzène, un carbone sur deux se couple avec deux électrons à son voisin. Et la molécule de Mazen a donc deux choix possibles. Elle peut mettre le carbone 1, 3 et 5 en double ou 2, 4 et 6. Voilà. En réalité, ce qu'a montré la physique quantique, c'est que le benzène ne choisit pas. Le benzène est plus stable énergétiquement en étant les deux à la fois. C'est-à-dire que ces carbones se comportent de façon duale. On a presque l'impression d'avoir deux molécules à la fois. Alors, on va parler de façon très abusive de chat de Schrödinger en hommage à cette expérience de pensée de Schrödinger d'un chat à la fois mort et vivant. Mais ici, on a un chat moléculaire qui est réellement dans deux états à la fois. Ça n'a rien à voir avec la vie et la mort, c'est plutôt deux positions à la fois, ou on va dire deux rotations à la fois. Alors on peut penser que c'est un problème très abstrait, finalement, qui n'a pas grande incidence. Et là, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure en termes de technologie. En fait, c'est des objets cruciaux dans les technologies contemporaines, notamment les technologies inspirées directement de la physique quantique. Et là, je pense directement aux ordinateurs quantiques. Hein, ces objets très à la mode ces temps-ci, avec toutes les annonces récentes de Google. Ce sont des objets à la mode, mais qui n'existent pas. Encore. Alors, c'est des objets qui existent en laboratoire, qui commencent à marcher, mais qui marchent de façon, on va dire, très très poussive pour l'instant et qui marchent pas bien. Mais l'idée, c'est que c'est une grosse machine dans laquelle il y a justement plein de petits chats de Schrödinger, donc de petits objets qui vont être à la fois dans un état 0 et un état 1. Donc, à l'inverse d'un ordinateur normal où on a des 0 et des 1 parfaitement définis, dans un ordinateur quantique, on va dire que l'ordinateur ne choisit pas. Il y a des objets qui sont à la fois dans un état et dans l'autre. Ça pourrait être des molécules de Mazen. Il se trouve qu'en général, on va utiliser plutôt des grains de lumière, des photons, ou bien des supraconducteurs, ou bien des semi-conducteurs. On va utiliser plein d'astuces de physique quantique pour construire cette espèce de machine un peu incroyable où les objets refusent de choisir entre un état 0 et un état 1. Et là, on peut se demander légitimement, mais qu'est-ce que ça va calculer un ordinateur pareil, vu que justement, il ne comprend rien à sa propre situation. En réalité, en utilisant l'intelligence et le formalisme du calcul quantique, on va être capable de faire à l'ordinateur, on va dire, une sorte de calcul massivement parallèle. Il va être capable de sonder à la fois toutes les situations 0 et 1 possibles. Et donc, ça va permettre de s'attaquer à certains problèmes très spécifiques, mais très importants, qu'on ne sait pas résoudre avec des ordinateurs normaux. Par exemple, le problème d'un voyageur qui devrait choisir un chemin idéal entre plein de villes. Ou par exemple, arriver à trier dans une liste de façon rapide. Ou par exemple, arriver à factoriser en nombre premier. Alors, on peut se dire que c'est quand même des problèmes pas très intéressants. Alors si, ils ont plein de répercussions importantes. Mais ça va surtout permettre de simuler des objets quantiques. Ça va être capable de permettre, par exemple, de simuler des réactions chimiques, de deviner des nouvelles réactions chimiques, de donner des sortes de modes d'emploi pour comment fabriquer de nouvelles molécules, de nouveaux médicaments, de nouveaux types d'engrais. Et donc cet ordinateur, évidemment, agite beaucoup les fantasmes parce que ça serait une sorte de, alors pas de machine à tout faire, mais de machine à tout faire de façon quantique, c'est-à-dire à simuler le réel de façon quantique et à permettre d'inventer de nouveaux matériaux, d'inventer de nouvelles batteries, de nouvelles cellules photovoltaïques. Et donc c'est un ordinateur qui fait beaucoup rêver actuellement. Alors, vous racontez aussi, Julien Bobrov, que on peut aujourd'hui observer ce qu'on appelle des sauts quantiques, c'est-à-dire ces phénomènes très bizarres. D'ailleurs, les pères fondateurs de la physique quantique pensaient qu'on ne pourrait jamais les observer, mais on a pu le faire par la suite, ces situations dans lesquelles, par exemple, un atome ou un électron dans un atome change d'état d'énergie. Il effectue donc ce qu'on appelle un saut quantique, et on a pu l'observer expérimentalement. Grâce à quel stratagème ? Ah, ça c'est une très jolie expérience qui date du milieu des années 80-90. Oui, donc c'est on pourrait dire récent, que c'est elle a été refaite plusieurs fois. Ouais, et c'est en fait l'astuce, c'est justement, je vous avais dit tout à l'heure qu'une particule quantique pouvait être dans différents états à la fois, hein, ces différentes notes ou ces différents niveaux. On peut les imaginer aussi comme des marches d'escalier. Et une particule quantique en général est sur une marche d'escalier ou une autre. Mais de temps en temps, elle va sauter d'une marche à l'autre. Il y avait un grand débat au début de la physique quantique de est-ce que ce saut était aléatoire ou pas ? Est-ce que la particule avait l'air de tirer au sort et qu'on n'était pas capable de prédire quand le saut avait lieu ou pas ? Schrödinger, un des pères fondateurs de la quantique, n'aimait pas du tout cette idée d'aléatoire complet. Il disait même que lui, il quitterait ce domaine si vraiment cette histoire de saut quantique se révélait être vraie. Et dans les années 80, on a réussi à le faire expérimentalement. Alors pour ça, on a pris des atomes un peu particuliers, des ions de béryllium par exemple ou de barium, qui présentent trois niveaux. Donc vous imaginez trois marches d'escalier. En général, ils sont dans la marche du bas, quand on les laisse tranquilles. Et si on balance une excitation sur eux, par exemple un rayon laser bien ajusté, ils peuvent monter sur la première ou la deuxième marche, un peu au hasard. Et ces atomes-là, quand ils montent sur la première marche, redescendent immédiatement au rez-de-chaussée et crachent de la lumière au passage. Autrement dit, si on les éclaire et qu'ils ne font que monter sur la première marche, ils vont en permanence cracher de l'énergie et cracher de la lumière, et on va les voir fluorés, vraiment de la fluorescence, hein, ils vont être verts. Donc on va voir soudain une petite tache verte apparaître dans l'expérience. Mais de temps en temps, ils peuvent monter sur la deuxième marche. Et dans ces cas-là, ils restent 10-15 secondes ou 20 secondes parfois, jusqu'à redescendre au rez-de-chaussée, et pendant ce temps, plus rien. Ça devient sombre, ça devient noir. Et donc l'idée, c'est juste de regarder la lumière émise par l'atome et de compter au fur et à mesure du temps ce qui se passe. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il y a de la lumière, soudain ça s'arrête, 10 secondes, puis ça se réillumine, puis ça se réarrête, 5 secondes, puis ça se réillumine, etc. Et on se rend compte que les temps qu'on est en train de mesurer sont complètement aléatoires, qu'il n'est pas capable de prédire quand la particule monte au deuxième étage et redescend au premier étage. Donc c'est à la fois l'observation de sauts quantiques et en même temps l'observation du hasard quantique, on pourrait dire. Exactement. Et en plus, ces expériences, elles ont été fondamentales parce que ça a été les premières expériences où on était capable de voir un seul atome, de voir briller un seul atome. On ne le voyait pas directement, mais on le voyait à travers la lumière qu'il émettait. Et ça, ça a ouvert tout un champ de recherche très actif actuellement, le champ de la physique atomique, où on va piéger des atomes un par un, deux par deux, trois par trois, et leur faire faire presque ce qu'on veut sur mesure. Alors, vous démontrez, Julien Mobrov, que vous savez parfaitement expliquer la physique quantique sans équations. Alors, je voulais vous citer un court texte écrit par Claude Lévi-Strauss, le grand ethnologue, qui lui aussi a été fasciné par l'expérience des formes de Young, que vous avez rappelé tout à l'heure, et qui raconte qu'il a trouvé des mythes dans certaines populations, notamment iroquoises qu'il avait étudiées, des mythes qui permettent de dire ou de mettre en scène des situations qui évoquent la physique quantique. Il raconte par exemple un mythe des Indiens Seneca, c'est l'une des cinq nations composant la Confédération iroquoise, qui comprend un curieux épisode. C'est l'histoire d'une jeune fille qui consent à épouser un homme qu'elle sait être le fils d'une puissante sorcière, et elle le suit jusqu'au village de celle-ci. Voilà ce qu'écrit Claude Lévi-Strauss. Le mari marchait en tête quand ils arrivèrent à un point où le sentier se divisait en deux pistes, formant une sorte d'anneau allongé qui se refermait au loin. À sa grande surprise, la femme vit son mari se dédoubler et l'un des deux corps suivre la première piste, l'autre la seconde. Elle en fut stupéfiée et ne savait plus quelle voie elle devait emprunter. Elle choisit finalement celle de droite et constata bientôt que les deux pistes se rejoignaient et qu'à cet endroit, les deux corps de son mari avaient à nouveau fusionné. De là, dit-on, vient le nom de cet étrange personnage qui signifie « ils sont deux voies qui courent parallèlement ». Fin de citation. Est-ce que vous pensez que l'analogie qu'il a faite là avec la physique quantique a quelque pertinence ? Elle est très belle en tous les cas, elle est très poétique. Et je m'en méfie aussi incroyablement. Alors pourquoi je m'en méfie ? Pas pour l'analogie elle-même qui à mon avis est pertinente, mais pour ce que les gens vont peut-être en penser et en retenir. À chaque fois qu'on fait des analogies ou des métaphores avec notre monde à nous, il faut toujours se méfier des fausses idées qu'elles peuvent engendrer. Et notamment, je me méfie des récupérations pour ramener l'échelle quantique à l'échelle humaine. C'est-à-dire qu'il y a une grande tentation qui est de prendre les effets à l'échelle du quantique et de les ramener à notre échelle pour se dire « mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Un homme qui se dédouble, un homme qui pense deux choses à la fois, un homme qui passe à travers un mur, etc. etc. » Alors je dis ça parce que on l'a vraiment observé. Il y a un certain nombre de charlatans, moi je les appelle comme ça, par exemple Deepak Chopra aux États-Unis, qui sont des grands spécialistes de ça, c'est-à-dire qu'ils vont faire des livres entiers, par exemple sur la médecine quantique, qui n'a de nom, médecine que le nom, où ils vont utiliser des métaphores à l'échelle humaine pour dire mais finalement on peut être dans plusieurs états à la fois. Lui par exemple utilise les sauts quantiques dont je vous ai parlé pour dire qu'on pourrait soudainement soigner d'un cancer. Et que donc on peut imaginer finalement des choses de l'ordre de la médecine, de l'ordre de la conscience, de l'ordre de l'univers, en s'inspirant de ce qui se passe à l'échelle quantique. Et donc là, moi en tant que physicien, j'ai une espèce de peur naturelle et de rigueur à dire attention, ce qu'on décrit de la physique quantique ne se joue qu'à petite échelle. À grande échelle, rien qu'à cause de la décohérence dont je vous ai parlé avant, c'est impossible qu'un homme soit par exemple dans deux états à la fois ou à deux endroits à la fois, comme le raconte cette légende. Donc tant qu'on se sert de l'analogie et de cette légende indienne par exemple pour dire c'est comme si, et c'est ce qui se passe à l'échelle de l'atome, ça me va tout à fait. Mais si les gens ensuite utilisent ce genre d'analogie et de métaphore pour dire « mais ça explique peut-être plein de phénomènes surnaturels », alors là je dis non, la science ne permet pas de dire ça et on est plutôt dans le champ de la croyance. Mais alors, qu'est-ce qui empêche notre corps d'être dit quantique ? C'est la température, la taille, c'est les deux ensemble ? C'est les deux ensemble, oui. C'est clairement, dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a trop de particules et dès qu'elles interagissent trop entre elles, eh bien on a de la décohérence. Ça a été très très bien montré en laboratoire. Rien qu'avec 10, 20, 50 particules, tout s'arrête et tout effet de superposition s'arrête. Donc imaginez qu'à l'échelle de 10 puissance 23, 24 particules, en plus à 37 degrés, un corps humain, on puisse avoir de l'intrication par exemple, de la superposition d'état, ça n'a absolument aucun sens scientifiquement et c'est même impossible scientifiquement. Il faudrait vraiment qu'on soit mis au zéro absolu, ou au moins à très basse température et dans le vide déjà pour qu'il y ait quelque chose de possible. Et donc on serait mort depuis longtemps. Est-ce qu'il y a du nouveau, Julien Mobrov, à propos de la supraconductivité, dont on sait bien qu'elle est un phénomène purement quantique ? Oui, moi c'est un de mes domaines préférés. Moi j'ai passé 20 ans de ma vie à travailler sur la supraconductivité en laboratoire, donc je chéris particulièrement ce domaine. Et c'est un des domaines où il y a le plus de recherches actuellement. Alors il y a eu plein de nouveautés récentes, et notamment, alors depuis 2015, c'est très marrant, on a découvert des supraconducteurs dans de l'hydrogène. Alors l'hydrogène c'est vraiment le truc le plus banal qu'on pensait avoir étudié sous toutes les coutures. Il y a des Allemands en 2015 qui ont mis un peu de soufre dans l'hydrogène. Ils ont fait du sulfure d'hydrogène et ils ont appuyé dessus comme des brutes. On peut vraiment dire comme des brutes, en prenant deux diamants et en les écrasant l'un sur l'autre. Et en faisant ça, ils ont obtenu des pressions de l'ordre de 1 à 2 millions de fois la pression de l'atmosphère. Et soudain, ils ont découvert que ces matériaux devenaient supraconducteurs. Bon, d'accord. Mais surtout devenaient supraconducteurs à des températures incroyablement élevées. Deux fois plus élevées que tout ce qu'on avait rencontré jusque-là dans les meilleurs supraconducteurs. Et les recherches ont poursuivi leur chemin jusqu'à tout récemment. Alors, septembre 2020, hein, une équipe américaine, l'équipe de Rangadias, qui a fait à peu près la même expérience, mais en rajoutant du méthane. Donc, on n'est pas dans des formules très sophistiquées. Hein. Ils ont rajouté du méthane à du sulfure d'hydrogène. Ils ont appuyé dessus avec deux diamants, exactement comme l'équipe allemande. Et là, ils ont découvert, à 267 gigapascal, une pression monstrueuse, que le matériau était supraconducteur à 15 degrés Celsius, à la température de la pièce. Donc ça, c'est un des vieux graals de mon domaine, trouver un supraconducteur à température ambiante. Alors malheureusement, c'est à des pressions gigantesques, donc ça ne sert absolument à rien. Mais il y a plein d'études actuellement pour essayer de comprendre ce qu'est cette supraconductivité et si on pourrait la stabiliser à plus basse pression, parce que là, ça créerait une véritable révolution. Est-ce que c'est une découverte qui était prédite ? On s'attendait à un tel résultat ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été découvert par hasard ? Alors non, pour une fois, c'était prédit. C'est-à-dire que j'ai un malin plaisir, mais en général, prédit, ça veut dire que la plupart des découvertes... Alors oui, dans l'hydrogène, compris, en fait, le raisonnement était assez simple. Il avait été mené par Ashcroft dans les années 60. Bah, c'est l'idée que pour avoir un supraconducteur, il faut permettre aux électrons de s'attirer les uns les autres. Alors que normalement, des électrons, ça se repousse. Et pour qu'ils s'attirent, il faut qu'ils utilisent astucieusement la vibration des atomes. Il se trouve que les atomes d'hydrogène, l'hydrogène est très léger, vibrent très bien. Et que donc on imaginait que l'hydrogène serait un très bon supraconducteur. Le problème, c'est que l'hydrogène, c'est pas métallique parce que c'est même pas solide à haute température. Et donc il a fallu l'exploit technologique de d'abord rendre l'hydrogène solide en appuyant dessus, en approchant ses atomes, pour qu'ensuite il se révèle être un incroyable supraconducteur. Pendant le confinement, je parle du premier qui a été assez radical, Julien Bobrov, j'ai découvert que vous aviez mené ce que vous appelez des conférences confinées, et dans lesquelles vous essayez d'expliquer la physique quantique grâce à de nouvelles approches, en expliquant par exemple ce que dit cette physique grâce à ce qu'on trouve dans les placards de cuisine par exemple. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de telles situations où la cuisine sert de laboratoire ? Alors, dit comme ça, évidemment, ça semble un peu ridicule, donc je vous encourage à aller voir la conférence pour voir à quel point c'est quand même ridicule, mais l'idée qui me semble intéressante, c'est cette idée de contrainte qui peut créer de la créativité. Moi, j'aime bien en général. Et donc là, la contrainte du confinement, elle était la pire possible parce que j'avais rien emmené chez moi comme matériel de vidéo ou autre, donc j'avais mon ordinateur, ma webcam, et je me suis dit, comment on peut faire de la vulgarisation autrement ? C'est-à-dire que si c'est juste refaire un diaporama en ligne, ça n'avait pas beaucoup de sens. Et donc, je me suis demandé comment je pouvais utiliser cette incroyable faiblesse d'être coincé chez moi dans mon appartement parisien pour en faire une force, en quelque sorte, et explorer des nouveaux territoires de vulgarisation. Donc, j'ai un peu tout essayé. J'ai essayé de faire des expériences avec mon smartphone. J'ai essayé de me filmer en train de faire des maquettes à base de papier alu et de scotch parce que j'avais que ça sous la main. Et une fois, pour une des conférences, j'ai essayé d'expliquer la physique quantique avec tout ce qu'il y avait dans ma cuisine. Donc, j'ai pris des pâtes, j'ai pris du riz, j'ai pris des tas de semoule, d'épices pour essayer, par exemple, de fabriquer des orbitales quantiques d'un atome, pour essayer de refaire l'expérience des Fantung avec des cheveux d'ange, et essayer de créer des métaphores, des analogies, comme on fait d'habitude en conférence, mais cette fois-ci depuis chez moi, avec évidemment tout le côté ridicule et marrant d'être coincé dans la cuisine. Et comment est-ce qu'on peut voir ces vidéos ? Ah, bah vous allez sur Internet et vous tapez « conférence confinée Bobrov » et vous les retrouverez facilement. Ce qui me semblait intéressant, c'était justement de se dire « mais est-ce que ça va changer finalement la façon de vulgariser ? Est-ce que ça va décaler le propos ?» Alors, je pense pas. Finalement, sur le fond, je pense que j'ai fait la même chose que ce que je fais d'habitude. Ce qui a changé, c'est le rapport au public. C'est que clairement, les échanges sur Internet, sur YouTube, les commentaires en direct étaient d'une autre nature que ce qu'on rencontre habituellement, alors vous et moi, j'imagine, dans les conférences grand public. On a quand même un côté très professoral à expliquer aux gens et les gens à nous poser des questions à la fin. Là, soudain, il s'est créé un échange plus horizontal, plus amical, plus chaleureux, je dirais, créé sûrement par le confinement, parce qu'on était tous coincés chez nous de la même manière. Et donc, j'ai découvert tout un nouveau champ de la vulgarisation que peut-être connaissent très bien les youtubeurs, mais que moi, je connais moins bien, bah, qui est un champ plus horizontal, où on essaie de se jouer à l'exercice de montrer aux autres ce qu'on a chez soi en direct. Mais pourquoi est-ce que c'est si important pour vous, Julien Bobrov, la vulgarisation ? Est-ce que ça a une dimension politique ? Est-ce que la façon dont la science a été traitée pendant la pandémie vous fait paraître ce combat comme étant encore plus nécessaire qu'auparavant ? Alors non seulement il est plus nécessaire, mais je dois dire qu'on l'a quand même un petit peu raté. C'est-à-dire que nous tous, acteurs de la vulgarisation, je pense qu'il faut qu'on fasse un mea culpa. C'est-à-dire que on n'a pas complètement réussi notre coup à, entre guillemets, donner une culture scientifique et une façon d'appréhender les sujets scientifiques aux Français en général, vu ce qui s'est passé pendant la période du coronavirus. Rien qu'apprendre à lire une échelle log, par exemple. Et donc je pense que ça nous pose plein de questions, à nous, acteurs de la vulgarisation. Comment créer une vulgarisation efficace, pas seulement en temps de crise pour répondre à la crise, expliquer le Covid en temps de crise, mais comment en amont créer une culture scientifique chez tout le monde pour que tout le monde puisse comprendre Comment se fait la recherche? Quelle est son échelle de temps? Comment est-ce qu'on peut dire qu'un résultat est robuste ou pas? Qu'est-ce qu'une barre d'erreur? Qu'est-ce qu'une échelle log? Toutes ces questions un peu méta, on va dire, sont cruciales et sont apparues cruciales au cours de la crise. Et je pense que même en parlant de physique quantique, en parlant de relativité générale et en parlant des choses les plus fondamentales, on participe à cet effort d'essayer de sensibiliser aux gens, les gens à ce que c'est que la science contemporaine, ce que c'est que la recherche, comment elle se fait, ses règles, ses habitudes, son temps aussi, son temps propre, et pour que pendant des crises, on décode mieux ce qui se joue et qu'on puisse mieux arbitrer soi-même entre, par exemple, différents points de vue scientifiques. Julien Bobrov, peut-être vous le savez, mais la plupart des pères fondateurs de la physique quantique étaient de grands randonneurs, voire de très bons grimpeurs, Heisenberg, Fermi, Schrödinger, escalader les montagnes, et Paul Dirac, par exemple, qui a été le découvreur de l'antimatière, partait le dimanche gravir les collines autour de Cambridge, et tout au long de sa vie, pendant ses congés, il s'en allait escalader les sommets dans les Alpes, les Rocheuses, ou encore le Caucase. Et en 1936, il a gravi le sommet du mont Elbrouz, la montagne à laquelle fut, dit-on, enchaîné Prométhée, et qui culmine à 5640 mètres d'altitude. Si je dis ça, c'est pour me connecter à l'actualité de façon un peu décalée, un peu capillotractée, mais avant d'entrer dans ce studio en direct, nous avons appris que dix Népalais, dirigés par l'un d'entre eux qui s'appelle Mingma Gé et un autre qui s'appelle Nirmal Purja, ont atteint le sommet du K2, cette montagne terrible, cette personnification géologique de l'angoisse, comme on l'appelle aussi, qui était supposée ne pas pouvoir être conquise en hiver. Et ces dix messieurs l'ont atteint il y a quelques heures, pour la première fois de l'histoire. Ils sont en train de redescendre dans la nuit. Il y a quelques mois, j'avais reçu à ce même micro Daniel Parocca et François Damiano pour parler du K2 et ils nous avaient expliqué pourquoi cette montagne est quasiment impossible à gravir en hiver. Eh bien, la suite de l'histoire a montré que c'était possible et je pense que les pères fondateurs de la physique quantique, s'ils étaient encore vivants, apprécieraient cette information. Vous êtes un grimpeur vous-même, Julien Bobrov? Oh là là, non, pas du tout. Je suis absolument pas sportif. Je pense quand même que c'est très très belle histoire et on espère tous qu'ils vont faire une belle redescente. C'est la descente qui est dangereuse dans le K2. Oui, c'est ça. C'est ce que vous me disiez juste avant l'émission. Je pense qu'elle dit quelque chose quand même. Peut-être que ce qu'il y a de commun entre ces Népalais et puis les pères fondateurs et leur amour de la montagne, c'est cette idée de repousser les frontières à un moment donné. Et je pense qu'il y a ça évidemment dans cette incroyable ascension du K2. Je pense qu'il y a ça aussi chez les pères fondateurs et aussi chez les physiciens en général et les chercheurs dans les laboratoires. C'est cette idée que on va être face à un sujet, même s'il est hyper pointu, hyper détaillé, que personne n'a exploré avant nous, et on va essayer de repousser les frontières de la connaissance. Et je crois que c'est ça qui, moi, m'a toujours fasciné dans les sciences contemporaines. Mais quelle est la question, à propos de la physique quantique, Julien Bobrov, dont vous aimeriez connaître la réponse de votre vivant, si j'ose dire? Ah, de mon vivant, alors vous allez voir, c'est une question qui peut sembler un peu technique, c'est pourquoi les cuprates supraconducteurs sont-ils supraconducteurs? C'est parmi les meilleurs supraconducteurs qu'on ait jamais fait. Ils condensent à eux seuls tous les problèmes intéressants, à mon avis, de la physique des solides contemporaines. Comment des électrons interagissent entre eux, comment ils se déplacent, comment ils conduisent la chaleur, le courant, etc., etc. Et ces matériaux, des pauvres galettes céramiques noires, qui ont des comportements absolument incroyables, sont à l'heure actuelle encore incompris. Si on pouvait les comprendre et si moi je pouvais avoir cette réponse de mon vivant, je serais très heureux. Merci Julien Bobrov pour votre pédagogie et votre enthousiasme. Je recommande très vivement la lecture de votre livre qui s'intitule « La quantique autrement, garantie sans équation ». Ça vient de sortir chez Flammarion. Je vous remercie d'être venu nous parler en direct. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Michael Simon et à la réalisation Franck Lilin. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.